إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. دبخ أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: vois-tu, si j'accomplis les prières prescrites, que je jeûne Ramadan, que je permets le licite et que j'interdis l'illicite, puis que je n'ajoute rien à cela, entrerai-je au paradis? Il répondit alors sallallahu alayhi wa sallam: oui. Rapporté par Muslim. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, il dit ensuite: le sens de j'interdis l'illicite et que je m'en éloigne, et le sens de que je permets le licite et que je l'accomplis en croyant à sa licité. Donc dans ce hadith, Jabir radiallahu ta'ala anhu nous rapporte qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas précisé qui est cet homme. Car comme on l'a vu dans un hadith précédent, nous n'avons pas besoin de savoir qui est cet homme. La chose qui nous importe est cet événement qui a eu lieu et la question qu'il a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa réponse dont on va tirer des enseignements incha'Allah ta'ala. Cet homme, il a donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: vois-tu, c'est-à-dire, informe-moi au sujet de ce qui suit. Si j'accomplis les prières prescrites, c'est-à-dire les 5 prières obligatoires, les 5 prières quotidiennes obligatoires, qui ont été prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce en leur temps, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 103 de surat An-Nisa: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Il dit ensuite que je jeûne Ramadan, c'est-à-dire que j'accomplisse le jeûne légiféré durant le mois de Ramadan, qui consiste à s'abstenir intentionnellement de manger et de boire, ainsi que des autres annulatifs du jeûne, du lever véridique de l'aube jusqu'au coucher du soleil, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite que je permets le licite, c'est-à-dire, comme l'a dit An-Nawawi rahimahullah, que j'accomplis le licite en croyant à sa licité. Car le fait de permettre le licite, cela implique ces deux choses. Premièrement, le fait de croire que cela est permis. Deuxièmement, de mettre en pratique cette chose. Il dit ensuite que j'interdis l'illicite, c'est-à-dire que je m'éloigne de cette chose illicite tout en ayant la conviction qu'elle est illicite. Et comme vous le voyez, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ici il n'a pas précisé cela, mais il a seulement dit le sens de j'interdis l'illicite et que je m'en éloigne, sans indiquer de s'en éloigner avec cette conviction, le fait de croire au fait que ceci est illicite. Et cette définition est insuffisante, comme l'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. En effet, il a précisé cela car il est obligatoire pour le croyant d'avoir foi en ses jugements religieux, qui sont le licite et l'illicite, al-halal ou al-haram. Tu dois donc avoir cette croyance et délaisser l'illicite pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce afin d'obtenir une récompense pour ce délaissement. Car celui qui s'écarte des interdits, non pas parce qu'ils sont interdits, mais simplement parce que ces choses ne l'attirent pas. Comme un homme qui ne fume pas ou ne boit pas d'alcool, par exemple, parce qu'il a conscience des méfaits de l'alcool et de la cigarette sur la santé. Celui-ci, en faisant cela, il s'est préservé du péché, mais il n'obtient pas de récompense pour son délaissement, car il ne l'a pas fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important pour le musulman d'avoir cette intention lorsqu'il délaisse les choses illicites. Tu dois les délaisser pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et te soumettre au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, l'homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Si je n'ajoute rien à cela, c'est-à-dire les œuvres qu'il vient de mentionner, les prières obligatoires, le jeûne de Ramadan, le fait de considérer comme permis le licite et interdit l'illicite. Si je n'ajoute rien à cela, entrerai-je au paradis ? Il apparaît donc à travers la question de cet homme que son objectif était quoi ? Son objectif était d'atteindre le paradis. La demeure des délices, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les pieux. Un paradis dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut imaginer, comme il est venu dans le hadith Al-Qudsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet, au verset 17 de Surat Al-Sajda, فَلَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc, nul ne sait ce qui est réservé pour les croyants comme réjouissance au paradis. Mais médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jaza'an bima kanu ya'malun. En récompense de ce qu'ils œuvraient. C'est-à-dire que l'homme, il se doit d'accomplir des œuvres pour obtenir cette récompense qui est le fait d'entrer au paradis. C'est pour cela que cet homme, il a ici interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de savoir si ces œuvres-là, elles suffisaient pour entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors répondu de manière affirmative et il lui a dit oui, c'est-à-dire oui, tu entreras au paradis. Donc après cette brève explication, on va maintenant énumérer quelques bénéfices tirés de ce hadith. Premièrement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith le désir ardent des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'apprendre leur religion et de tirer de ses réponses des bénéfices immenses, comme vous le voyez à travers ces quelques mots dans ce hadith. Et on voit que leurs questions, c'était des questions très bénéfiques. Ce n'étaient pas des questions futiles, mais c'était des questions qui comportaient de grands intérêts pour les musulmans. Et le deuxième bénéfice, et qu'il apparaît clairement ici, quel était l'objectif et la finalité recherchée par les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils ne recherchaient pas l'abondance des biens de ce bas monde. Ils ne recherchaient pas le luxe, les grands palais et les grandes maisons, ou autre chose éphémère parmi les biens de ce bas monde. Mais leur objectif, c'était quoi? Leur objectif, c'était le paradis. Ils recherchaient donc les voies menant au paradis, car ils avaient compris la valeur de ce bas monde. Et ils avaient compris qu'ils n'étaient que de passage dans celui-ci afin de quoi? Afin de prendre des provisions pour l'au-delà. Et ces provisions, comme vous le savez, ce sont les œuvres pieuses. Ce ne sont pas l'argent, ce ne sont pas les belles voitures, ni les grandes maisons ou les grands immeubles, les palais ou autres. Mais ce qui te profitera dans l'au-delà, ce sont tes œuvres pieuses. C'est pour cela que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils interrogeaient afin de connaître les œuvres qui allaient les mener au paradis. Un jour, un compagnon, il a fait une chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit, demande ce que tu veux. Le compagnon radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je veux être en ta compagnie au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit, veux-tu autre chose? L'homme lui dit, non, je ne veux que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit, aide-moi alors qu'autre ton âme, en multipliant les prosternations, c'est-à-dire en multipliant les prières. Regardez donc, mes frères, ce que cet homme a demandé. Il ne lui a pas demandé de l'argent, il ne lui a pas demandé de montures ou du bétail, il ne lui a pas demandé des maisons ou des palais, mais il a demandé d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Ceci était donc le but recherché par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Troisièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'homme n'est pas à blâmer s'il n'accomplit que les prières obligatoires. Et ceci ne le prive pas d'entrer au paradis. C'est-à-dire, s'il n'accomplit que les 5 prières obligatoires et n'accomplit pas d'autres prières en dehors de celles-ci. On pourrait se demander, et qu'en est-il alors de la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, par exemple, qui a dit au sujet de celui qui délaisse la prière du witr, « C'est un homme mauvais, il ne convient pas d'accepter son témoignage. » La réponse est que le fait que cet homme soit mauvais, cela ne l'empêche pas d'entrer au paradis. À partir du moment où il est monothéiste et qu'il accomplit ses obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il entrera au paradis, inshallah. Mais il est décrit ainsi, car le witr, il peut s'accomplir par une simple unité de prière. C'est quelque chose de simple et très rapide. Toute personne qui désire le bien pour lui-même, il est censé accomplir cette prière. Ne serait-ce qu'une raka, une seule unité. Malgré cela, si cet homme la délaisse, cela ne fera pas obstacle à son entrée au paradis, tant qu'il s'est acquitté de ses devoirs, qu'il est monothéiste, qu'il est mort sur le tawhid. Cependant, ceci ne veut pas dire que le musulman il doit négliger les prières surérogatoires. Au contraire, il se doit de multiplier les efforts dans celles-ci. En effet, au jour de la résurrection, il est rapporté que la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé est sa prière. Si elle est bonne, le reste sera bon. Et s'il a des manquements ou qu'elle est mauvaise, alors Allah subhanahu wa ta'ala dira « Regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires. » Et ce, afin de combler les manquements vis-à-vis de ses prières obligatoires. Donc celui qui a été négligent à un moment ou à un autre de sa vie, concernant sa prière, il se doit tout d'abord d'être assidu quant à l'accomplissement des prières obligatoires, mais aussi multiplier les prières surérogatoires afin de combler ses manquements passés. Donc les prières surérogatoires, ce ne sont pas des choses à négliger, d'autant plus qu'elles permettent d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans un autre hadith. Quatrièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la prière et le jeûne sont des causes pour entrer au paradis. Et il n'y a pas de doute en effet que les meilleures des choses par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les choses qu'il nous a prescrites, les obligations, comme on le verra par la suite dans un autre hadith, dans ce livre, Inch'Allah ta'ala. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'homme ne doit pas se priver de ce qui est licite. Et que le fait de se priver de ce qui est licite, sans cause légitime, alors ceci est religieusement blâmable. En effet, il n'est pas légiféré en islam pour l'homme de délaisser le licite sans raison. Comme le font certaines personnes prétendant au zuhd. Ils vont délaisser par exemple l'eau fraîche. Ou alors, comme le font certaines personnes parmi les groupes égarés prétendant à l'ascétisme, ils se privent de certains biens éphémères de ce bas monde, sous prétexte de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ces choses licites pour eux. Donc celui qui les possède, il n'est pas légiféré pour lui de s'en priver. Car la réalité de l'ascétisme, c'est que les biens de ce bas monde ne soient pas dans ton cœur, même s'ils sont dans ta main. Quant à celui dont les biens de ce bas monde, ils sont dans son cœur, c'est-à-dire que son cœur y est attaché, son cœur les désire, même s'il ne les a pas entre ses mains et qu'il est pauvre et qu'il ne possède rien de ce bas monde, alors ce n'est pas un ascète. Mais l'ascète, c'est celui dont le cœur est détaché des biens de ce bas monde. Et il est important de comprendre cette distinction entre ces deux choses. On a déjà abordé ce sujet lors de l'explication d'un autre hadith. Sixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que le haram, l'illicite, est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans son livre, ou à travers la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le licite, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans son livre, ou à travers la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, pour terminer, il y a une question problématique dans ce hadith. C'est que l'homme, il a dit, et que je n'ajoute rien à cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'il entrerait au paradis. Pourtant, cet homme, il n'a pas mentionné deux des piliers de l'islam, qui sont la zakat et le pèlerinage. Alors que la zakat, elle a été légiférée avant le jeûne. En effet, on pourrait dire que ce hadith, il a eu lieu avant que le pèlerinage soit prescrit, car il n'était prescrit qu'en l'an 9 ou l'an 10 de l'Hégire. Donc on pourrait dire tout simplement que ce hadith a eu lieu avant la prescription du pèlerinage. Mais on ne peut pas dire ça concernant la zakat, car elle a été prescrite avant le jeûne de Ramadan. Donc ceci est une question problématique. Et la réponse est qu'il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait la situation de cet homme. Il savait qu'il ne possédait pas d'argent pour payer la zakat. Et il savait également que si cet homme en possédait, alors il paierait la zakat si cela lui incombe. Car il a dit, et que j'interdis l'illicite. Et il n'y a pas de doute que le délaissement de la zakat, cela fait partie des choses illicites. Donc cela rentre dans ce hadith. Et on peut dire la même chose concernant le délaissement du pèlerinage. Donc on tire de cela